refrain. Ah. Moi, je fais que le refrain. Ok, refrain. Mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent.